Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Nathan Drapa. Salut Sofiane. Salut Nathan. Vous avez donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, ça c'est. Écoute, c'est. Tu veux laquelle? De la pire à la moins bien? De Ah, la pire vraiment? à la. À la. Est-ce que tu veux nous faire ça crescendo? Genre, on commence gentiment et on finit sur de l'apothéose, quoi. Bon, on peut faire ça, ouais, on peut faire Allez, ça. vas-y. Écoute, attention, il y a aussi, comme il y a une différence entre galère et bide. Là, je vais te dire des vraies galères. Ce qui est le contraire d'un, allez, pas le contraire d'un bide, mais un bide, c'est souvent, ça part de l'humoresse. Une galère, souvent, ça part pas de l'humoresse, j'ai envie de dire. Tu vois? Ouais. Bah on Et, prend les deux dans le podcast, on prend les deux. ouais, ben, là, c'est des galères. Écoute, au tout début, moi j'ai commencé en 2015, mais j'ai vraiment commencé en 2018. Mais en 2015, j'ai fait deux trois scènes et je me souviens, c'est la première fois qu'il y avait déjà c'est la première fois que je joue au chapeau, parce que je savais pas ce que c'était déjà. Je joue au chapeau et c'était, je me souviens, c'était à Valenciennes. C'était une scène à Valenciennes. C'était au tout début. Et tu sais, au début, tu commences, ben, tu prends un peu tout ce qui vient, tu vois. Et là, c'était une scène organisée, je ne saurais plus dire par qui. Le gars chouette, hein, super sympa. Et en fait, si tu veux, la salle, c'était une ancienne boîte de nuit. C'était énorme. Je t'explique, le premier rang, il était à 20 mètres de la scène. D'accord. Ah. Oh. Ouais, donc C'était. pour le côté intimiste, le côté un petit peu parler avec le public et tout, c'est très compliqué, quoi. Ouais, si t'entends par crier, parler au public, alors oui, ça allait, quoi. Non, Ouais, boîte c'était, de ouais. nuit, quoi, en fait. Ouais. C'était énorme. Et je t'explique, il y avait tout devant, il y avait quatre filles sur quatre chaises. Ouais. Vraiment, tu sais, vraiment quatre vieilles chaises qui se marraient pour un rien. Ouais. Au milieu de la salle, il y avait toute une table avec une quinzaine de personnes. Et dans le fond, il y avait tous des mecs qui fumaient des chichas. Tu vois, là, je te pose le décor, tu vois. Ouais, là, t'as le public vraiment, t'as eu du public que des extrêmes, quoi. Pas de public lambda. Voilà, mais vraiment, ça c'était. Et quand je commence à jouer. Parce que le problème, si tu veux, je me permets de dire ça, parce qu'en fait, si tu veux, la table, genre du début, tu sais, genre des personnes, les filles, genre qui rigolaient à tout, en fait, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi déstabiliser, malheureusement. Ouais. La table de 15 personnes, comme ils sont venus ensemble, le problème, c'est que souvent, ils vont vouloir parler entre eux plutôt que d'écouter Ouais. l'humoriste. Voilà. Et les mecs qui fument la chicha, bon, bah là, la chicha, c'est clairement pas le public pour de l'humour. Là, je suis, voilà, là, je suis, là, c'est, là, de toute façon, ils ne calculent même pas, tu vois ce que je veux dire? Ils ne calculent Tu pas du tout, ils en ont rien. Ouais, n'existes pas. vraiment, vraiment. Je suis devant eux. Entre moi et eux, il y a un brouillard, tu vois ce que je veux dire? Il y a de la fumée entre eux et moi, tu vois? Ouais. Et si tu veux, je joue et je commence et je me dis, OK, je vois que les quatre filles du premier rang, elles se marrent pour un oui, pour un non, tu vois? Peu importe ce que je disais, ça riait. Et je me dis, c'est quoi? Et je vais m'attaquer à la table des 15, tu vois? Et je commence à jouer pour la table des 15 et je joue et je joue. Tu sais, je fais un 10 minutes, tu vois. Et je te jure, je fais une 22, 23, 20, et ça arrive pas, et ça arrive pas, et je joue. Je vois qu'il me regarde, tu vois, et je continue, je continue, je continue. Il n'y a pas un rire. Je fais un 10 minutes, il y a cette table, il n'y a pas un rire qui sort de cette table. Je sors de là, je t'explique, je sors de là, je passe en dernier en plus. Il me donne mon cachet, je me souviens, c'était un gros cachet de 2,50 € et Ah c'était oui, sur au là, chapeau. Hein. ah là, franchement, là t'es vraiment, t'as commencé par du lourd, quoi. Vraiment, t'as eu. Ouais, vraiment. Je me suis dit, tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire pour dépenser tout cet argent? Oui, voilà. C'est-à-dire, bon, alors, à part une voiture et une villa, qu'est-ce que t'as acheté de plus avec les 2,50 €? Frère, j'ai acheté une île. J'ai dit, j'étais aujourd'hui, là, aujourd'hui, je suis sur mon île. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? d'ailleurs, on capte bien, hein. Je vois que le réseau est bon, hein. Pas de problème. Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, j'ai payé David Beckham qui tient une antenne. J'ai payé que Alors, pour tenir une antenne, pour que je capte quelque chose. Hé, hey, David, lève l'antenne plus haut. non, mais vraiment, c'est vrai pour les gens qui nous écoutent là, le chapeau, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Autant des fois, tu vas te taper du chapeau à plus de 100 € et tu vas dire, mais c'est Ah. pas possible, c'est génial, tu vois. Bon, c'est rare hein, quand même. Hein. Moi, le C'est. maximum de chapeaux que j'ai fait, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai dû avoir donc 65 € un truc comme ça. On était neuf, ce qui est quand même vraiment pas mal. Hein. 65 € à neuf, on était bien, tu vois. On était à Paris et tout. Les gens, ils ont la culture du chapeau là-bas. Et les pires chapeaux que j'ai fait, bah, c'est des chapeaux où j'ai eu, ouais, comme toi, 2 € 1 € trucs comme ça. Ouais, mais tu sais, limite, la vérité, je m'en foutais du chapeau. C'était rien, j'avais envie de jouer, c'était cool de le faire. Et pour finir cette anecdote, en fait, je sors, mais tu sais bien, quand t'as limite bidé, tu sors pas comme un guerrier, tu vois ce que je veux dire, comme un combattant. Tu sortais, ce qu'on est la sortie des artistes, ben, je suis sorti par là. Et C'est en ça. sortant, je croise la table des 15 et je leur dis bonne soirée et tout. Et à un moment, ils me disent bonne soirée, mais dans une langue que je connais pas. Et en fait, je me rends compte qu'ils parlaient pas français. Je crois que c'était des Hollandais, tu vois, ou des Norvégiens. Parce que les Norvégiens, de toute façon, on sait pas ce qu'ils parlent. Disons, on va dire dans l'histoire, on dira que c'est des Norvégiens. Mais je Ah, te jure. personne t'a prévenu du coup qu'il y avait une table d'étrangers qui parlait pas la langue. À un moment, j'aurais dû me rendre compte que c'était pas la même culture que nous. Mais en fait, non, ils ne le savaient pas non plus, en fait. Si tu veux, Ah, ouais. ouais, ils ne savaient pas. C'est-à-dire que les gens sont arrivés entre deux trucs, tu vois. Et je Ouais. comprends, ils ont pris des gens et ils servaient à boire, tu vois. Et le Oui. spectacle, c'était le petit plus, tu vois. Ouais, Ça, ouais, c'était. ouais. C'est mal tombé, quoi. C'est mal tombé. Ouais, vraiment mal tombé. Mais ça encore, c'était. Ça allait. C'était gentil, j'ai envie de dire, tu vois. Mais. Honnêtement, si on compte que il y avait la table de 15 qui riait pas parce que du coup il comprenait pas, plus la table de chicha, bah du coup les chichas, je te dis voilà, c'est pas fait pour l'humour et tout. C'est très très compliqué de jouer en chicha. Je l'ai fait plusieurs fois et Ouais. franchement c'est vraiment pas. Je leur en veux pas. Hein, c'est pas du tout contre les gens qui vont en chicha. C'est juste que c'est deux univers qui se marient très mal. Si on considère que ces deux tables-là ne pouvaient pas marcher entre guillemets, Ouais. bah quelque part c'est comme si tu avais eu que la table des filles devant. Et là, tu as eu 100% de la salle au final. Ouais, disons quoi, mais après les filles, je crois qu'elles se marient vraiment pour un oui, pour un non, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, je préfère à choisir. Je préfère quelqu'un qui se marre pour un oui ou pour un non Ouais. que quelqu'un qui, même si c'est marrant, il va pas rigoler, quoi. Ouais, c'est ça, quoi, c'est ça. Après, voilà, c'est le jeu, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein, encore d'avoir des cas comme ça. Une fois, j'ai joué, même chose, il y avait une vingtaine de personnes, et je joue pour la table, je joue, et là, pas un rire, et même chose, je vais à leur rencontre pour demander qu'est-ce qui s'est pas passé, et en fait, c'est parce que ce soir-là, j'étais nul, tu vois. Oui, malheureusement, ça fait partie des options. Je me suis dit, encore des Norvégiens, c'est une blague. Mais ils me suivent partout, ces Norvégiens. Il me suit. Eh, mais c'est ça le problème. Le problème en Belgique, c'est pas les Arabes, c'est les Norvégiens, tu vois. Attention, je peux même pas te dire j'ai des amis norvégiens, j'en ai même pas. Qui a des amis norvégiens? S'il y a des gens qui ont des amis norvégiens, contactez-moi. Oui, voilà, oui, contactez-nous sur le podcast, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on embrasse la Norvège. J'adore vos meubles. C'est le gars qui est tellement raciste qu'il confond la Suède et la Norvège, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Non, ben franchement. après, ils font sûrement des meubles. Oui, sûrement, sûrement. Qui viennent sûrement de Suède, d'ailleurs, Parce hein, que on va pas se. si ils ont un pays où ils font pas de meubles, ça doit être chiant de vivre dans leur maison. C'est pas faux. D'ailleurs, ça doit être la première phrase que tu apprends quand tu apprends le norvégien, c'est asseyez-vous par terre, tu vois. Hein. On va pas aller trop loin non plus avec les Norvégiens, sinon. Non, non, non, non, on va pas. Non, non. On salue les Norvégiens et on salue tout le monde, le monde entier. On aime tout le monde. Il n'y a pas de Bien souci. sûr. C'est une galère parce qu'en fait, au final, il y a une rencontre qui s'est pas faite avec le public, à part avec la Ouais. petite table devant. Mais on va Ouais, dire, c'est voilà, ça. t'étais pas dans les bonnes conditions et puis à ce moment-là, tu avais besoin de prendre du kilomètre et tout. Donc, c'est pas grave. Quelque part, c'est intéressant et ça t'a peut-être permis aussi de grandir, entre guillemets, de jouer, tu sais, Bien genre en sûr. mode, bon, c'est pas grave, je joue, quoi. Je m'en fiche, ils Ouais, m'écoutent pas, c'était mais j'y ça. C'était vraiment ça. Et puis, vais. après, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être sur scène. C'est toujours un privilège d'être sur scène et de pouvoir faire ce que j'aime, tu vois. Et peu importe dans les conditions. Après, c'est sûr, quand les conditions sont top, c'est super agréable. Quand il y a des petits coins dans une soirée, c'est un peu le jeu aussi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas. De toute façon, voilà, si tu n'as que des soirées qui se passent super bien, tu ne sauras jamais ce que c'est que le vrai métier. Tu vois, il faut des galères et des réussites. Il faut les Ouais, deux. c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ce qui te construit le plus dans, je pense, dans les métiers artistiques, hein. C'est l'échec, hein. Le fait de tomber et de te relever, t'en es que plus fort. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et après, j'ai une autre galère aussi. Et là, j'avais plus d'expérience. J'avais, j'ai une autre galère. Une fois, j'ai joué pour un ami, pour une corpo, c'est ça, tu sais, pour truc Oui, pour de. un comité d'entreprise. Et voilà. Et tu sais, je joue. Et il me dit, ouais, franchement, il me dit, écoute, je t'ai vu jouer, j'aime bien ce que tu fais. Il me dit, j'organise une soirée d'humour avec quelques guests en Belgique. Est-ce que ça te dirait de faire la première partie? Et moi, je dis OK, tu sais, je prends l'occasion de le faire, quoi. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Et je pensais que c'était comme, tu sais, comme dans un café-théâtre, il y avait quelques personnes bourrées. Eh Ouais. ben, c'était le même, sauf qu'il y avait quelques personnes à jeun. Tu vois la différence? Tu vois, Oui. c'est la petite nuance qu'il y a eu. Et je Ouais. te jure, là, j'ai joué en première partie, je te dis, et j'arrive, et véridique, hein, ils étaient en train de mettre les chaises, les gens étaient à moitié assis, ils finissaient la queue leu-leu, ils étaient tous bourrés. Oh J'ai commencé à non. jouer à 6h, à 18h, ça faisait Ouais. depuis 9h du matin qu'ils buvaient. Tu vois? Ils étaient défoncés, mais défoncés. C'est incroyable quand même. Parce que faut dire ce qui est, tu vois, les corpos, les comités d'entreprise, c'est un très bon plan financier. Bon, toi, pour le coup, comme c'était une première partie, c'est autre chose. Mais quand tu joues ton spectacle pour un comité d'entreprise, c'est un très, très bon plan financier. Mais c'est une galère incommensurable, vraiment, quand tu dois jouer devant ce public qui, même s'il n'est pas bourré, parce que ça peut arriver, je pense qu'on peut retrouver des archives de comités d'entreprise où les gens n'étaient pas bourrés. Hein, j'ai pas Ah, les documents, ça, mais. je suis pas sûr que ça existe. Après, bon, voilà, Je on peut toujours rêver, mais. suppose, hein, je suppose. En tout cas, même s'ils ne sont pas bourrés, le problème, c'est que ça ne les intéresse pas. En général, tout ce qu'ils veulent, et c'est ce que font la plupart des humoristes, moi le premier, si jamais un jour j'y vais, je ferai ça, c'est qu'il va falloir, genre, un petit peu adapter le spectacle, Bien sûr. genre Mais de toute façon. essayer de parler d'eux, tu vois, ils veulent que tu parles d'eux, ils veulent que tu parles de leur boîte et tout, voilà Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'il faut vraiment créer un spectacle où tu parles avec eux et tu parles pendant, allez, 45, je pense 45 minutes, c'est bien, tu vois. Et Ouais. pendant 45 minutes, et en gros, t'exploses le patron, t'exploses les ouvriers, tu te renseignes. Thomas Wiesel, il Vois, le fait. je pensais à lui justement. Lui, c'est le spécialiste de ça. Et clairement, quand il arrive sur scène, il fait des trucs par rapport à l'entreprise. Il fait des recherches et tout. Et puis ensuite, il prépare un passage spécial sur l'entreprise. Ouais, c'est Parce ça, c'est que vraiment ça. malheureusement, si tu essayes de placer ton spectacle à toi, c'est très compliqué après de. Voilà, parce que Ouais. ça reste drôle. Mais eux, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent que tu Ouais. parles d'eux. Ouais, c'est ça, en fait. Ils veulent vivre un moment, ils s'en foutent de ton spectacle. Ils sont pas là, ils sont pas dans cette ambiance-là, en fait. C'est vrai, Et je crois qu'en c'est fait, vrai. en gros, je pense qu'il faut continuer la fête avec eux, en fait. Mais tu sais quoi, moi, il m'est arrivé une galère avec un comité d'entreprise une fois. Enfin, c'était même pas un comité d'entreprise, c'était un patron qui voulait faire comme un petit séminaire avec ses employés. Et donc, ils sont venus de Paris à Bordeaux. Moi, je devais jouer le soir à 21h30. Et je me suis retrouvé à jouer. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote dans le podcast. Si c'est le cas, je suis désolé. Je devais jouer à 21h30. Je me suis retrouvé à jouer plus à 23h ou un truc comme ça, tu vois, ou Ah. 23h30. Et le truc, c'est qu'ils étaient bourrés parce que je jouais dans un resto qui avait en dessous, tu vois, une petite salle de spectacle. Ouais. Une cave, hein, une cave, on ne va pas se mentir. Mais Ouais. c'était super. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes. C'était vraiment génial. En tout cas, je joue là-bas et tout. J'arrive et j'ai du mal à les avoir. Ils rient pas, ils sont bizarres et tout. Et ça me faisait bizarre parce que moi, j'avais pas encore l'habitude de ça. Tu vois, j'avais encore peu d'expérience. Et le truc, je vois à la fin, genre il restait, je sais pas, 10 minutes dans le spectacle ou 15 minutes, je vois quelqu'un qui se lève et qui se barre. Et ça m'était jamais arrivé. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, j'étais étonné. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Et après, il y a eu une autre personne qui s'est levée, qui s'est barrée. Et j'ai dit, mais c'est bizarre quand même. J'ai pas compris. J'ai quand même terminé en mode vraiment dépité. J'avais pas encore. Tu sais, aujourd'hui, ça arrive dans ma salle. Je m'en fiche complètement. Dans ma Ouais, tête, t'en ça. joues limite. Voilà, t'enchaînes, tu joues, tu. Pilote automatique, tu vois, normal, tu fais ça bien. Enfin, non, pardon, pas pilote automatique, justement, parce que pilote automatique, c'est quand, genre, tu débites ton texte Ouais, t'as sans envie rien, de quoi. vite partir, quoi. Voilà, non, franchement, Vite sortir de scène, quoi. je vais voir les gens partir. Franchement, je vais jouer mon spectacle normal, comme si la salle était pleine et que c'était l'Olympia, tu vois, normal. Mais là, j'avais pas encore les armes, donc ça fait que ça m'a un peu miné, ce qui fait que j'ai joué le spectacle encore plus bas, tu sais, avec moins d'énergie encore. Et du coup, ce qui s'est passé, à la fin, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, ne t'inquiète pas, les gens sont partis. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même, les gens sont partis, j'ai rien dit de méchant, mon spectacle, il n'est pas méchant. Et après, il m'a dit, non, non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, on est levé depuis 4 heures du matin, on est parti prendre un train à Paris, genre premier train, tu vois. Il dit, on a débarqué à Bordeaux, on a passé la journée à bosser. Ensuite, le soir, on a mangé dans le resto au-dessus et on a bu. Et il dit, du coup, là, c'est la fatigue, c'est juste ça. Et j'ai Bah pleuré. ouais. J'ai galéré. Mais voilà, je veux dire, les comités d'entreprise, c'est jamais simple, malheureusement. Tout ce qui est entreprise, tout ça, je peux les comprendre, tu vois, c'est pas simple. Mais en tout cas, ouais, t'as galéré, mais du coup, t'as eu des retours après, un petit peu? Les gens sont venus te voir après? Non, ou pas? parce qu'après, les gens me font, c'est pas terrible. Hein. Ils m'ont dit, bah, je fais, bah, désolé, mais vous étiez. En fait, les gens qui m'ont dit, c'est pas terrible, ils ont même pas écouté. Ils étaient même pas là. Eh c'était voilà. Mes parents, ces deux personnes-là. Ah oui, d'accord. Non, mais vérité, je te jure, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, franchement, il y a un gars, il m'a dit, franchement, la blague de je sais plus quoi, il me dit une blague, il me fait, ouais, la blague-là, j'ai pas aimé. Je lui dis, ben, ok, mais c'est pas moi qui l'ai joué, cette blague-là. Vérité, il m'a dit une blague qui n'était pas à moi. Je dis, il m'a dit, ouais, cette blague-là, j'ai pas aimé. Je dis, ok. Et je dis, mais tu diras à la personne concernée parce que c'est pas moi qui l'ai fait, cette blague-là. Tu vois. C'est comme si son cerveau, tu sais, il disait, j'ai pas aimé Nathan. Et du coup, comme je n'ai pas aimé cette blague, ça vient forcément de Nathan, tu vois. À mon avis, ouais. Ah, mais c'est ça, quoi. Après, quand il m'a craché dessus, j'ai quand même compris qu'il m'aimait pas, mais. C'est là que j'ai compris que j'avais peut-être dit des trucs qu'il fallait pas. Mais non, j'ai même pas fini, j'ai même pas été au bout. Les gens, ils en avaient rien à foutre, ils faisaient la queue leu leu. Et puis, ce qui était le plus drôle, c'est que il y avait des gosses à la soirée, tu vois. Ah, mauvais plan, ça. Ouais, il y avait des gosses et je me suis mis à la place des enfants pour voir leurs parents bourrés en train de pleurer sur leur vie, tu vois. Et je dis, ah, parce qu'ils étaient vraiment, ils faisaient la fête vraiment déconner, hein, tu vois. C'était un peu déconné. Je suis, ouais, quand même, là. Et franchement, tu sais, j'étais mal, là, tu vois. Ah ouais, ça m'a fait gagner de l'expérience, comme dans tout. Et ce soir-là, j'ai eu une leçon de stand-up par un confrère. Et leçon bénéfique, hein. Il m'a vraiment donné deux, trois trucs. C'était Martin Charlier, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Kiki l'Innocent, oui. Ouais, Kiki l'Innocent, il m'avait donné des conseils. Et franchement, je les applique encore aujourd'hui. Et ce qu'il m'a dit, quand tu vois des gens comme ça, oublie ton texte, amuse-toi et déconne avec eux. Et c'est ce qu'il a fait, ça a vachement bien marché, tu vois. Ouais, ouais. Une vraie leçon. Une leçon de... Ouais, bah ils veulent que tu leur parles d'eux, tout simplement. Ouais, voilà. C'était vraiment ça. Ouais, et lui, il l'attendait, mais il a vraiment parlé avec eux. Il a fait des blagues, quoi. Il a fait des blagues, c'est tout, tu vois. Ouais, et ouais. Les gens ont adoré. Et franchement, aujourd'hui, quand j'ai le cas, je fais ça et ça marche, quoi. Ouais, voilà, il a fait ce qu'on appelle du crowd work, quoi. Ouais, c'est ça. Jouer, travailler sur la foule, en fait, tout simplement, faire des blagues avec le public et tout. Moi, j'appelle ça sortir les rames, tu vois. C'est genre, allez, j'ai pas le choix, bim, on y va, on se sort vraiment de cette galère, on y va, allez, on les fait rire avec ce qu'ils aiment et puis c'est tout, quoi. Les gens, ils aiment bien quand tu leur parles d'eux, voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est bien quelque part parce que cette expérience-là, elle a été un petit peu compliquée, mais elle t'a apporté, tu vois, je pense que maintenant, t'es blindé, quoi. Ouais, puis attention, hein, je pense que moi je vais te dire, c'est bizarre à dire, mais quand j'ai commencé dans le milieu, on m'a dit, ouais, il faut pour apprendre, il faut faire des bides. Et limite, j'ai poussé les bides, tu vois ce que je veux dire? J'ai voulu voir ce que c'était, tu vois? Ouais, tu t'es exposé et tout, et, ouais, et ouais, du vraiment. Coup, voilà, tu voulais apprendre et t'as appris, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment... poussé, je sais pas comment expliquer, je voulais voir ce que ça faisait, tu vois, j'ai dit, ok, je veux vivre des bits pour comprendre. Et au final, quand je les essayais de pousser, ils disaient, mais ça marchait pas, et c'est quand je les poussais pas que ça marchait, tu vois. Et je dis, ah, et là, j'ai compris, et c'est à chaque fois, je pense qu'à chaque fois que j'ai eu un bide, à chaque fois que j'ai eu quelque chose comme ça, ça m'a fait évoluer dans mon stand-up, ça m'a fait évoluer dans ma façon de penser. Et des fois, rien que le fait de dire, ok, tu sais qu'une blague est drôle. Mais elle est simplement mal exprimée. Et si le plateau, c'est-à-dire le public n'adhère pas, c'est que tu l'as mal vendu. Et rien que le fait de te remettre en question là-dessus, ça te fait évoluer, mais ça te fait faire des bons des fois, tu vois. Ah oui, mais totalement. Le stand-up, c'est la remise en question. En permanence. Il faut mettre en question, il faut avancer, il faut apprendre de ses erreurs, il faut apprendre de ses galères. Et tu as bien appris de ces galères-là. Ouais. Du coup, tu avais une autre anecdote ou... Ouais, j'en ai une. Là, je crois que ça a été la pire et la... Et la plus bénéfique pour moi, c'était, je t'explique. Comme je te disais, j'avais commencé en 2015, mais j'ai vraiment commencé en 2018. Mais entre 2015 et 2018, si tu veux, j'ai joué de temps en temps. J'ai compté, je crois que j'ai joué 13 ou 14 fois, ce qui n'était pas énorme. Ouais, et, un peu, Ouais, ça fait très très peu. Et si tu veux, moi, je vois, ok, j'étais dans une comédie musicale et je commençais un peu à avoir marre, je voulais changer. Et je me disais, quoi, j'ai toujours voulu faire du stand-up, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et là, j'ai la chance qu'un pote à moi me dit, ouais, Nat, tu sais me remplacer pour une scène, tu vois. Et ouais. Je t'explique, c'est une scène, mais c'est à 1h30 de chez moi. C'est dans un bled qui s'appelle Couvain, qui est un beau petit coin, attention, hein, je critique pas, mais c'est un beau petit coin. Mais je te jure, quand je suis arrivé, en même temps que moi, il y a eu l'électricité et l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je suis arrivé, ouais. Ils se sont dit, mais c'est qui cet étranger? Ouais. Comme ça, vraiment. Ils m'ont dit, mais c'est quoi? C'est quoi cette chariot du diable? C'est une Nissan Qashqai. Je te comprends, ouais. Je te comprends quand tu vas jouer comme ça dans des endroits où ouais. Vraiment il y a pas. Bah, après, au-delà de l'électricité et de l'eau, tu vois, je veux dire, il y a pas la culture de l'humour. Des fois, c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Et donc, ouais, bah, comment oui. Ça s'est passé? Alors, je t'explique. J'arrive et déjà, mon pote dans mon message me dit ouais, mais l'organisateur il est un peu chelou. Regarde avec lui. Ce qui est déjà très mauvais signe. On est d'accord. C'est clair. Mais l'envie de jouer est beaucoup plus forte. Et ah, ouais. C'est bon, je vais y aller. Et je te dis, j'aime ça. Je suis curieux de ça, tu vois. Mm-hmm. Et j'arrive, et déjà, je t'explique. Je galère pour trouver le café. Et le café, c'est un café, tu sais, un café hollandais. Mm-hmm. Et j'arrive à trouver le café, et juste à l'entrée du café, si tu veux, pour rentrer dans le café, il fallait descendre des marches, si tu veux. Il fallait descendre une dizaine de marches, si tu veux. D'accord. Et juste au-dessus, il y avait une petite affiche à quatre, une petite feuille à quatre, avec tout le planning de la semaine, tu vois. Ouais. Et genre lundi soupe et moule, mardi c'était karaoké, tu vois ce que je veux dire? Pas le... ouais. Et jeudi soirée comedy club, non même pas comedy club, soirée d'humour, tu vois? Ouais. C'est déjà, ouais. Là on est déjà sur des trucs, mais un truc sur une ligne quoi, tu vois? Pas de promo, ouais. Rien. Et je descends, j'arrive dans un vieux café comme ça, tu vois? Une vieille ambiance, tu vois? Tu vois un café de village, tu vois? Ou tu sais, les vieux sont là, tu sais, ils font partie des meubles, tu vois? Ouais, ouais, ouais. T'sais, tu vois le style de café. Mm-hmm. Et j'arrive, on est reçu par le gérant du café, et le mec, ouais. super sympa. Ça, je peux pas dire. Le mec, il me dit qu'il a travaillé avec des grandes stars de l'humour belge. D'accord. Et nanani, nanana. Tu sais, il me vend du rêve, ça. Ouais, ouais, et ouais. Il explique ouais. qu'il est en train de faire la salle en haut, une salle de spectacle en haut, qu'il est en train de lancer et tout. Tu vois, il me montre la salle, et franchement, tu vois, c'est une salle, c'est un truc qui a été fait maison, mais ouais. Ça a l'air d'être un truc un peu cool quand même. Je dis, ok, ça a l'air assez agréable. Et il y avait une 30 ou 40 places, tu vois, un truc où, sincèrement, il y a moyen de se marrer, tu vois. Ouais. Et le gars, il dit, ah, cool, on va jouer là ce soir. Et il me dit, oui, s'il y a plus de 10 personnes. Et je dis, mais on va jouer où? Et là, on redescend dans le café en bas, tu sais, dans le vieux café. Et ouais. Il me montre. Je te jure, c'était pas une. Il me montre un endroit, il me dit voilà, ça c'est la scène. Et véridique, je pensais que c'était une table de salon. C'était pas plus grand qu'une table de salon. Tu vois le truc? Ouais, ouais, ouais. C'était tout petit. Et j'ai ah d'accord, ok. Et c'est vrai que je l'avais vu parce que quand je suis rentré, la porte a tapé dedans, la porte d'entrée a tapé dans la scène, tu vois? Et attends, mais c'est rien, scène. Et la soirée commençait à 20h30. Et ouais. Personne à l'horizon. L'organisateur, pas là. Le mec qui anime la soirée, pas là. Rien. Mais rien. Et on est 3-4 humoristes comme ça, en se disant, mais... tu sais, des gens se demandent ce qu'on fout là. Et on ouais, se dit, ouais. Mais le gars, il est pas là. Et à un moment, le gars, il arrive à 21h. Il me dit, oh, désolé, il me dit... Parce que moi, je lui dis, écoute, ça se fait pas. Tu commences une soirée à 20h30, t'arrives déjà à la bourre à ta propre soirée. Et le gars, il me dit, ouais, désolé, c'est la première fois que je fais ça. Et je... Parce que juste avant, il m'explique qu'il avait été chercher deux artistes qui étaient des travestis à la gare, en gros, tu vois, à la gare. Ouais. Il me dit, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Et je dis, à quoi, aller chercher des gens à la gare? Il me dit, non, première fois que j'anime une soirée. Il me dit, ouais, c'est la première fois que je fais de la scène. Là, je me dis, tiens, là, on est pas mal. Là, ça sent vraiment la fausse sceptique, tu vois le truc? Je me dis, ok. Et je te jure, et je lui dis une question que... Tous les humoristes comprennent, c'est quoi la line-up? Oui, ouais, genre la programmation, quoi. La programmation. Et je lui dis, c'est quoi la line-up? Et il me dit, c'est quoi une line-up? Là, ouais. J'étais carrément dans la fosse sceptique. C'est bon, j'étais dedans. Là, je nageais dedans, tu vois? Et là, je te jure, je prends les choses en main parce que je me dis, le mec, il m'a fait faire 1h30 de route. Mmh. Je vais jouer ce soir. Je vais oui, jouer. Voilà. C'est, de toute façon, ça fera une belle anecdote. Et puis voilà, je joue. Je suis jusque-là, je joue. Quoi. T'as tout compris. Je me dis, ça va faire une anecdote. Et à l'époque, je jouais un sketch, vraiment un truc. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'il fallait vraiment répéter ligne par ligne. Tu sais, la virgule près, vraiment faire un truc carré. J'ai répété, faut que j'y aille. Et je fais la line-up et j'organise. Et là, déjà, je mets les deux travestis qui commencent la scène. C'est leur première scène aussi. Je les mets en premier, quoi, tu vois. Et je leur dis, vous avez 10-12 minutes pour faire votre sketch. Ils me disent, ouais, il n'y a pas de problème. Ils jouent et une demi-heure après, c'est toujours pas fini. Oh. Tu vois le truc? Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah ouais, et véridique, c'était un truc. Alors, on leur fait comprendre qui. Mais limite, on les sort nous-mêmes de scène, tu vois. Ouais, ouais, là, ouais. 30 minutes, c'est trop long, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, 30 minutes en premier. Et là, et je te jure, le mec qui animait pour la première fois une scène, tu sais bien qu'un MC, c'est important dans une soirée d'humour. C'est lui, oui, qui, voilà, met l'ambiance. C'est lui qui va faire la chauffe, comme on dit. Quand il a commencé le spectacle, il est monté sur scène, il a fait « Alors, c'est une soirée d'humour, on va commencer avec le premier, et avec les premiers. » Et il a annoncé tout le monde. Il n'y a même pas eu de show, il n'y a pas eu de présentation, rien. C'est parti comme ça, direct. À froid, vraiment. Et dans la salle, il y avait, véridique, il y avait l'organisateur. Ouais. C'est Luffy qui tenait le bar. Ouais. Il y avait un artiste qui avait amené deux amis à lui, ouais, avec un bébé. Tu vois le truc? Mm-hmm. Et il y avait deux mecs complètement bourrés dans la salle, mais bourrés. Ils n'étaient pas bourrés depuis une heure ou deux. Ils étaient bourrés depuis 30-40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu leur fais une prise de sang, tu trouves un petit peu de sang dans leur prise de sang. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui. Ouais. C'est vraiment ça. Ils avaient genre un gramme de sang par litre d'alcool, c'est ça? Mais vraiment, et vraiment défoncé. Mais tu vois qu'ils tiennent la bouteille, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est à mon moment, à moi de jouer, je commence et je monte sur scène. Et là, j'entends un truc, mais très fort, tac, tu vois. Et en fait, c'est la porte qui s'ouvre, qui tape dans la scène. Et là, il y a un mec qui rentre, aussi bourré depuis quelques années, tu vois. Ouais, ouais. Et le mec, il se met la première chaise devant moi, c'est un tabouret. Il se met sur le tabouret devant moi, dos à moi. Et le gars, il ne calcule même pas. Ouais, ouais. Et je commence à jouer. Et là, je faisais un sketch où j'expliquais que je venais de la Estre, de mon village. Et à un moment, il y a les deux premiers artistes qui étaient passés en premier. Ils commencent à me parler, mais comme si on était simplement à deux dans un salon. Tu vois, bah, elle me dit, oh, tu viens. Faut pas faire ça. Toi, tu es en train de jouer, quoi. Ouais, surtout que c'est un artiste, c'est-à-dire, c'est bien, il y a des codes, t'interromps pas un artiste qui joue, tu comprends ce que je veux dire? T'as le respect de ton confrère, tu vois? Mm-hmm. Et il commence à me parler, et puis ça commence à être le bazar, parce qu'en fait, elle parle à moi, puis il parle à l'autre, puis il parle à un autre, mais vraiment comme si mon sketch, il n'y avait plus rien à voir, tu vois ce que en je fait, veux c'est dire? C'est comme si t'étais à la télé, toi, en fait. Ouais, vraiment. Mais vraiment, j'étais un DVD. J'étais devenu un DVD. Mmh. Et c'était déjà l'époque des Blu-ray. C'est-à-dire que j'étais déjà dépassé. Tu vois, plus personne ne me calculait. Ah oui, là, c'était compliqué. Ouais. Ouais, c'était vraiment ça. Et à un moment, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai lâché mon texte. Et là, j'ai commencé à improviser, à jouer avec les gens. Je me suis dit, ouais, c'était une galère. Mais d'un côté, ça m'a donné l'envie que je joue aujourd'hui. J'ai changé ma façon de jouer après ça, tu vois. D'accord. Après ça, grâce à ça, j'ai changé une façon de jouer, qu'à l'époque, j'étais très calme. Tu t'es un peu… En fait, tu as lâché prise, quoi. Ouais, j'ai fait un vrai lâcher prise. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mm-hmm. Et bien aujourd'hui, cette scène, qui était une des scènes la plus galère que j'ai vécue, a été pour moi la plus bénéfique, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Ben, t'as retourné la situation, t'as réussi à t'adapter. De toute façon, quand t'es humoriste, t'es obligé de t'adapter à tout. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand ça se passe dans de bonnes conditions, c'est toujours un plaisir de jouer. Mais quand ça se passe et que t'as pas les conditions réunies, t'es obligé de t'adapter. Parce que sinon, tu vas passer un mauvais moment, le public aussi. Là, t'as réussi à l'adapter. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quand t'as retourné la situation comme ça, que t'as commencé à improviser avec le public et tout, comment ça s'est passé? T'as capté leur attention? Ils ont rigolé, tout ça? Bah, quand ils ont eu fini de me courir après avec des machettes et me faire sortir du village. Entre deux coups de machette, ils ont rigolé ou pas? Après 6 coups de machette, ils ont rigolé. Moi, ça va, c'est déjà ça. J'étais tombé dans le coma, c'est-à-dire que je savais pas leur réaction vraiment. C'est ce qu'on m'a raconté après. L'honneur est sauf, c'est déjà ça. Non, en fait, final, la soirée, elle s'est faite. Et c'était vraiment, tu sais, hein, j'ai vécu un vidéo gag. Tu vois ce que je veux? C'était une caméra cachée, le truc, tu vois. Vraiment, et le gars qui a fait la soirée, toute la soirée, il s'est excusé sur ça. Désolé pour la soirée, désolé, tu sais, il arrêtait pas de s'excuser. Au final, les gens ont apprécié, en fait. Ouais. Et ils voulaient même qu'on retourne la semaine après. Je vais, non, quand même pas. Non, merci. Pas c'est gentil, voilà. C'est très gentil, mais. Ah non, mais non. Mais en tout cas, c'est beau que tu aies réussi à en tirer un enseignement et que ça t'ait aidé à grandir dans ton stand-up. Parce que si tu étais resté bloqué dessus, peut-être que tu aurais dit non seulement je ne vais pas changer ma façon de jouer, mais limite, je ne vais plus jouer dans ces conditions-là. Tu vois, genre, si jamais j'arrive et que ça ne se passe pas parfaitement bien, je ne veux même pas jouer, quoi. Bref, moi, je vais te dire la vérité, c'est au fond, depuis que je fais ça, ce qui me plaît le plus, c'est les soirées comme ça. C'est des soirées où. Ouais, c'est des soirées où tu... Ouais, où ça part en hors-piste, quoi. Ouais, ça part, mais c'est pas forcément les pires, tu vois. C'est même des fois... Et j'aime bien quand il y a un moment, il y a quelque chose qu'on vit ensemble, tu vois, des choses assez uniques, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui que quand t'as l'occasion de vivre quelque chose de différent, c'est... Moi, je trouve ça hyper cool, en fait, tu vois. C'est vrai que t'as raison dans le sens où les spectateurs qui sont là dans la salle, ils vont pas se dire que c'est un truc que tu fais à chaque fois et tout. Ils vont se dire, là, la façon dont ça s'est passé, on a vécu un truc unique qui n'arrivera plus jamais. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, des fois, j'ai des vannes, tu sais bien comment ça se passe. On a toujours des vannes dans, on appelle ça des tiroirs. On a toujours une vanne dans un tiroir, mais il y a des moments, il y a des choses qui ne pourraient jamais s'inventer sur le moment. Mm-hmm. Moi, une fois, il y a un gars, et je jouais, il m'a dit que son travail, c'était de vendre de l'eau. Il y a un gars, il m'a dit, je vends de l'eau. Et j'ai fait des ventes sur ça, tu vois. Et comment, tu vois, il aurait pu me dire, je travaille chez Evian ou je travaille chez Chauffontaine. Il m'a dit, non, je vends de l'eau. Rien que le fait, tu vois, de ça. Il y a un gars, un jour, il m'a dit, moi, mon travail, c'est de fermer des enveloppes. J'ai dit, mais c'est magnifique, tu vois. T'imagines? Demande-lui si son entreprise, elle recrute, je suis chaud. Non, mais en tout cas, c'est beau, ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous sortent des trucs, improbables, quoi. Improbable. Ouais, et je trouve ça tellement, tellement chouette de. Surtout avec la vie qu'on mène aujourd'hui, avec les conditions qu'on a aujourd'hui. Tu sais, quand tu joues et qu'il y a des gens qui te parlent, parce que souvent le stand-upper, il a peur quand le public lui parle, et je trouve que c'est tellement bon quand, tu sais, quand quelqu'un te parle sur scène et que tu rebondis là-dessus, tu vois, il y a un côté vivant, il y a un côté où, tu vois, c'est unique, tu vois. C'est comme un, tu sais, c'est même pas palpable. C'est un vrai échange, en fait. C'est un vrai échange. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est un échange. Tout le monde vit un moment. Et à ce moment-là, comme tu dis, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne se disent plus, OK, je regarde un spectacle. Ils se disent, OK, là, je vis un moment. Tu vois? Ouais, totalement. Ils savent que ce ne sera pas du tout le même le lendemain et tout. Ils savent que là, c'était unique. Ils regardent comment est-ce que toi, tu as réagi à ce truc-là qui n'était pas prévu et tout. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça. Et oui, il y a des humoristes, comme tu dis, qui ont peur de ça quand ça arrive. Et puis, il y en a d'autres qui, tu vois, comme toi, comme beaucoup d'autres, moi aussi, de temps en temps, quand ça arrive, moi, je m'amuse bien aussi. Tu sais, je pense que ça vient à partir du moment où tu as tellement l'habitude de jouer que tu es sur des rails, tu vois, et tu te dis, oh, limite, tu t'ennuies, tu vois, tu sais où ça va rire et tout. Et quand il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas prévu, là, tu te dis, ah, là, on a quelque chose. Là, il y a quelque chose. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui est cool parce que, après, comme tu dis, à force de le répéter, ça te saoule un petit peu, hein, de raconter toujours la même chose, les mêmes blagues. Mais tu sais, c'est dès le moment, c'est comme ton travail, en fait. Quand tu connais ton travail, tu sais, au début, tu commences un nouveau boulot, limite, tu fais les choses et t'expliques ce que tu fais, tu vois. Tu te l'expliques ou t'expliques à quelqu'un ce que tu fais, tu vois. Ouais. Par exemple, tu conduis des bus. Au début, tu dis, OK, pour faire ma manœuvre, je vais devoir faire ça, ça, ça. Mais à force de le faire, tu te poses plus la question. Tu le fais. Et en le faisant, t'arrives à parler d'autres choses, tu vois. Tu pourrais me parler de ta vie en conduisant sans problème aujourd'hui, tu vois. Et je trouve qu'en stand-up, c'est le même. Quand tu as ton texte en tête et que tu l'as bien, à un moment, tu peux dériver. Tu peux aller à gauche, à droite. Parce que tu sais, à un moment, tu veux toujours te retrouver, tu vois. Tu peux aller à gauche, à droite. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais, quand j'ai commencé l'impro, on m'a toujours dit, Tu sais, quand on voit, tu sais, c'est une base d'impro, mais souvent, quand tu commences dans l'impro, tu fais ce que tu dis ce que tu fais, tu vois. Par exemple, tu vas être dans une cuisine, tu fais, je prends un verre, je me sers de l'eau, machin. Et on m'a toujours dit ce qui est le plus intéressant, c'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il va raconter, tu vois. Quand tu es dans la cuisine, parce que quand tu es dans ta cuisine, tu te sers à boire et tu dis pas ce que tu fais, tu vois. Sauf si t'es très bizarre. Ouais. T'imagines que tu serais dans ta cuisine. Je regarde à gauche et là, je prends un verre. Ma femme me regarde bizarrement. J'espère Ma qu'elle n'a femme pas compris que j'avais un couteau dans l'autre main. dans la main. Bon, ouais, non, mais c'est le spectacle vivant, tout simplement. Tu vois, Ouais. c'est pas figé, ça peut aller partout. Et nous, après, on doit apprendre à jongler avec ça. On nous envoie une énergie et c'est à nous d'apprendre comment est-ce qu'on va la gérer et Ouais, tout. c'est ça. Mais C'est ça pour après, moi. ça fait des beaux moments et des belles anecdotes et Bien sûr. ça nous manque tellement. Ouais, ça me manque. Franchement, ça me manque tellement. Et même de vivre des bites, ça me manque, tu vois. Ouais, bah tu sais quoi, franchement, avec le Covid, là, même à Couvain, on y va. Il n'y a pas de souci. Je vais le contacter. Je peux venir. Il va venir enfin. Bon, en tout cas, Nathan, merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles leçons, parce que ce sont des leçons, souvent, Ouais. on apprend de nos anecdotes et de nos galères. Merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh, tu peux me retrouver sur Facebook, Instagram, n'attendra Ouais, pas humoriste, vous d'accord. pouvez me retrouver. Ok, parfait. Bon, on te retrouve sur Facebook et sur Instagram. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bisous à tous, même à toi là-bas.